Sorgia FM. Sorgia. Une émission proposée par Hubert Ledan. À l'eau de chansons et d'accordéon, il est venu le temps du rêve. Place à la passion, teintée d'émotion, c'est un nouveau jour qui se lève. Des paillettes se sont mises à briller sur votre radio. Il est temps de danser maintenant. Chansons de toute la France donneront un air de vacances à la vie qui court toujours. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission. Ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine encore pour votre émission Danser Maintenant avec le programme de Christophe Pesset pour l'accordéon et puis bien sûr la chanson française. C'est notre spécialiste Arlette qui nous en parlera. On aura beaucoup beaucoup de surprises comme d'habitude. Profitez-en, bienvenue encore et c'est parti pour Danser Maintenant. C'est la danse qui vous donnera le la et le tempo. Présent. Voici le show. Dansez maintenant. Voici le show. Nous commencerons cette émission avec l'accordéon, pour être plus précis avec un passo doble, celui de tendance, l'orchestre avec un passo tendance, et puis on retrouvera la rubrique de Christophe Pesset juste après. Sorgia FM. Sélection de Christophe Pesset cette semaine, eh bien, c'est Louis Ferrari. On commence avec Zina. Thank you.

n'importe où. Et quand viendra un beau jour le grand départ, pour très loin, dans un coin où s'arrête le dernier quart, je dirai j'ai rempli mon programme. Cieux dames, bonsoir. Cieux dames, bonsoir. Cieux dames, bonsoir. Cieux dames, au revoir. Sorgia FM. Sorgia. Et c'est le tcha-tcha des nanas. Ferrari, la sélection de Christophe avec Alma Corazón y Vida. D'habiter une très jolie région, celle des Aravis. Je vais vous la chanter avec cette balade aux Aravis et puis un petit tour

leur témoignage. C'est pour nous dire, rien n'est meilleur dans le canton. Pour les gourmets qui apprécient ce bon fromage, c'est un plaisir de savourer le reblochon. Grand Bornand, pays de rêve, le jour se lève sur tes trésors. Chaque instant, quoi qu'il advienne, coule en nos veines ce lieu charmant. Tout nous ramène au Grand Bornand. Sorgia FM, Sorgia. Et ce tcha-tcha est interprété par Bernard Marly à l'accordéon. Et puis, juste après, on retrouvera la suite et fin de la rubrique d'Arlette sur la chanson française année 1955. Continue de brûler les planches avec L'étrangère au paradis, qui d'ailleurs était reprise magnifiquement par Gloria Lasso. Un joli souvenir que cette chanson, L'étrangère au paradis. Prends ma main, car je suis étranger ici, perdu dans le pays bleu, étranger au paradis. Et je sais qu'en chemin, le danger dans un paradis, c'est de rencontrer un ange et qu'il vous sourit. Simple mortel, je m'émerveille, les yeux remplis d'étoiles et de fraîcheur, comme un enfant qui se retrouve. Alors je n'ai plus peur, me laissez surtout pas ma main au bel ange qui me conduit. Déjà je me sens bien moins étranger au paradis. Et si tu veux bien de moi, l'étranger dans ton paradis, alors nous irons, je crois, plus loin que la vie. Yeah.

Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledon. On aime faire des bons en arrière dans cette émission, comme Arlette d'ailleurs. Il n'y a pas de printemps, c'est ce que nous dit Edith Piaf. Jamais de repos, toujours courir, mettre au bureau et repartir. Et même le dimanche, il faut faire ses affaires, laver, repriser, repasser sa misère. Retour à pied, au bout de la nuit, matin mouillée, pleurant d'ennui. Y a pas de printemps le long de ma vie, je ne crois pas vos calendriers. J'ai beau faire des économies, par printemps je peux même le payer. Le mois de mai passe et m'oublie, et le bonheur en fait autant. Est-ce que je suis pas assez jolie? Mais dans ma vie, il n'y a pas de printemps. Mais le destin m'a fait une farce, et le 21 du mois de mars, quand le printemps chante à pleine voix sa naissance, avec un beau gars, m'a fait faire connaissance. Il m'a dit bien, il m'a souri, et dans mon coin, tout a fleuri. Il y a du printemps le long de ma vie, il me moque des calendriers, car maintenant, c'est de la folie. J'en ai même au mois de janvier, j'ai plus besoin d'économie. Mon cœur et moi, on est contents. Peut-être que je suis pas jolie, jolie, mais dans ma vie, il y a plein de printemps. Dansez maintenant. Sur Sorgia FM, Hubert Ledon. Eh oui, l'émission se termine pour cette semaine. À bientôt les amis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même station, même heure, avec mes comparses Arlette et Christophe. Alors d'ici là, passez une très très bonne semaine. Je vous embrasse. Au revoir. Bientôt les amis, Tendance vous remercie d'être venus danser, chanter. Rentrez bien, dormez bien, car la danse c'est pas rien. Et rendez-vous dimanche prochain. À bientôt les amis, Tendance vous remercie. Et c'est fini pour aujourd'hui. C'est toujours plein d'entrain qu'on chante ce refrain. Et rendez-vous dimanche prochain. J'attends le samedi pour danser la country, et le dimanche pour balancer des hanches avec Hubert, avec Eric. On passe un moment sympathique. À bientôt les amis, Tendance vous remercie d'être venus danser, chanter. Rentrez bien, dormez bien, car la danse c'est pas rien. Et rendez-vous dimanche prochain. Sorgia FM. Sorgia.